Chapitre 9. Je dis la vérité. J'appartiens au Christ et je ne mens pas. Ma conscience, dirigée par le Saint-Esprit, m'assure aussi que c'est la vérité. Mon cœur est plein d'une grande tristesse et d'une douleur continuelle. Je souhaiterais être moi-même maudit par Dieu et séparé du Christ pour le bien de mes frères, ceux de ma race. Ils sont les descendants d'Israël. Dieu a fait d'eux ses fils et leur a accordé sa présence glorieuse. Il a conclu ses alliances avec eux et leur a donné la loi, le culte, les promesses. Ils sont les descendants des patriarches et le Christ, en tant qu'être humain, et de leur race, lui qui est au-dessus de tout, Dieu loué pour toujours. Amen. Je ne veux pourtant pas dire que la promesse de Dieu a échoué. En effet, les descendants d'Israël ne sont pas tous le vrai peuple d'Israël. Et les descendants d'Abraham ne sont pas tous ses vrais enfants. Car Dieu a dit à Abraham, « Seuls les descendants d'Isaac seront considérés comme tiens. » C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants nés conformément à la nature qui sont les enfants de Dieu. Seuls les enfants nés conformément à la promesse de Dieu sont considérés comme les vrais descendants. Car Dieu a exprimé la promesse en ces mots. Au moment indiqué, je reviendrai et Sarah aura un fils. Et ce n'est pas tout. Les deux fils de Rebecca avaient le même père, notre ancêtre Isaac. Mais Dieu a son plan pour choisir les hommes. Son choix dépend de l'appel qu'il leur adresse et non de leurs actions. Pour montrer qu'il demeure fidèle à ce plan, Dieu a dit à Rebecca, alors que ses fils n'étaient pas encore nés et n'avaient donc accompli ni bien ni mal, « L'aîné servira le plus jeune. » Comme le déclare l'Écriture, « J'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. » Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. Car il a dit à Moïse, « J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Cela ne dépend donc pas de ce que l'homme veut ni de ses efforts, mais uniquement de Dieu qui a pitié. Dans l'Écriture, Dieu déclare au roi d'Égypte, « Je t'ai établi roi précisément pour montrer en toi ma puissance et pour faire connaître mon nom sur toute la terre. » Ainsi, Dieu a pitié de qui il veut, et il endurcit le cœur de qui il veut. On me dira peut-être, s'il en est ainsi, qu'est-ce que Dieu reproche encore aux hommes? Car qui peut résister à sa volonté? Mais qui es-tu donc, toi homme, pour contredire Dieu? Le vase d'argile demande-t-il à celui qui l'a fabriqué, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier peut faire ce qu'il veut avec l'argile. À partir de la même pâte, il peut fabriquer un vase précieux et un vase ordinaire. Qu'avez-vous alors à dire au sujet de Dieu? Il a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance. C'est pourquoi il a supporté avec une grande patience ceux qui méritaient sa colère et étaient prêts à être détruits. Il a voulu aussi manifester combien sa gloire est riche pour nous dont il a pitié, pour nous qu'il a préparé d'avance à recevoir sa gloire. Car nous sommes ceux qu'il a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les autres peuples. C'est ce qu'il déclare dans le livre d'Osée. « Ceux qui ne formaient pas mon peuple, je les appellerai mon peuple. Et la nation que je n'aimais pas, je l'appellerai ma bien-aimée. Et à l'endroit où on leur avait dit, « Vous n'êtes pas mon peuple », là même, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » De son côté, Ésaïe s'écrit au sujet du peuple d'Israël, « Même si les membres du peuple d'Israël étaient aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, seul un petit nombre d'entre eux sera sauvé. Car le Seigneur réalisera complètement et rapidement sa parole sur la terre. Et comme le même Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur Tout-Puissant ne nous avait pas laissé quelques descendants, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. Que dirons-nous donc? Ceci. Des hommes qui ne sont pas juifs et qui ne cherchaient pas à se rendre justes devant Dieu ont été rendus justes devant lui par la foi. Tandis que les membres du peuple d'Israël qui recherchaient une loi leur permettant d'être justes devant Dieu n'ont pas atteint le but de la loi. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchaient pas à être agréables à Dieu par la foi, ils pensaient l'être par des œuvres. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait trébucher dont parle l'Écriture. Voyez, je pose en Sion une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber. Mais celui qui croit en lui ne sera pas déçu.